إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Wabad, chers auditeurs, dans l'assise d'aujourd'hui, nous allons nous rappeler brièvement des règles principales liées à l'aumône de la rupture, Zakatul Fitr, qui est cette aumône qu'il nous incombe de verser au moment de la rupture du mois de Ramadan. Et cette aumône est une obligation pour tout musulman, homme et femme, adulte et enfant, à partir du moment où il possède, en plus de ce dont il a besoin, le jour de l'Aïd et sa nuit, un excédent de nourriture lui permettant de la verser. Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a prescrit au monde de la rupture de Ramadan un sa' de date ou un sa' d'orge pour l'homme libre et l'esclave, l'homme et la femme, l'adulte et l'enfant, parmi les musulmans. Il est donc obligatoire pour toute personne possédant de quoi la verser, en plus de ses besoins et des besoins de sa famille, de verser cette aumône en cette fin de mois. Et que doit-on verser pour cette aumône? La réponse est que celle-ci doit impérativement être versée en nourriture, un des aliments parmi les nourritures communes des gens du pays, parmi les denrées de base, à l'exemple du riz, des pâtes, du couscous, de la semoule, de la farine, et autres parmi les aliments communs dans le pays dans lequel tu te trouves. Et il n'est pas permis de verser pour cette aumône des aliments comme le sucre, l'huile, les gâteaux, les bonbons ou autres choses semblables, car ceux-ci ne sont pas considérés comme des denrées de base par lesquelles les gens se nourrissent. Et cette zakat doit impérativement être versée en nourriture. Et en aucun cas, elle ne peut être versée en argent. Car ceci est contraire à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Comme vous l'avez entendu dans le hadith de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, qui a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prescrit l'aumône de la rupture de Ramadan, un sa' de date ou un sa' d'orge. Il a donc prescrit cette aumône en nourriture. Et dans un autre hadith, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prescrit l'aumône de la rupture, c'est une purification pour le jeûneur des paroles fausses et des propos honteux, et c'est une nourriture pour les pauvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prescrit cette aumône, c'est une obligation. Et celle-ci est une purification pour le jeûneur. C'est-à-dire qu'en versant cette aumône, tu vas te purifier de ce que tu as pu prononcer comme paroles fausses ou propos honteux durant tes jours de jeûne. Et cette aumône, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prescrite comme nourriture pour les pauvres. Une nourriture, et non pas de l'argent. Et l'argent était présent au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les dinars et les dirhams. Et si celle-ci pouvait être versée de la sorte, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en aurait informé et les compagnons radiyallahu anhum auraient mis en pratique cela. Or, ils ne l'ont pas versé de cette manière, mais ils l'ont seulement versé en nourriture comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prescrite. Et quelle est la quantité de nourriture que l'on doit donner par personne? La réponse est que la quantité à verser est d'un sa', un sa' par personne, d'un seul et même aliment, et ça c'est très important. Chaque sa' par personne doit être d'un seul et même aliment. Il n'est pas valide de donner pour Zakat al-Fitr un demi-sa' de riz et un demi-sa' de farine, par exemple. Mais chaque personne doit donner un sa' d'un seul et même aliment. Et qu'est-ce que le sa'? Le sa', c'est une unité de mesure qui était utilisée au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un volume, en réalité. Et son poids, il peut varier selon les aliments, étant donné que c'est un volume, certains aliments sont plus denses que d'autres. Si tu remplis un verre d'eau et que tu en remplis un autre de même volume de riz ou de pâtes ou de semoule ou de farine, ceux-ci n'auront pas le même poids. Le poids va donc varier en fonction de l'aliment. Et étant donné que aujourd'hui, lorsqu'on achète ces denrées, on les achète par paquet de 500 grammes, 1 kilo, 2 kilos ou autre, il sera difficile pour nous de verser le sa'a de manière exacte. D'autant plus que cette mesure n'est pas utilisée dans les commerces. Alors, afin de se faciliter et d'être sûr d'atteindre le sa'a lorsque tu sors ta zakat, il est préconisé de l'évaluer à 3 kilos, quel que soit l'aliment. Car en versant 3 kilos, tu seras sûr d'avoir atteint le sa'a, peu importe que tu verses ta zakat en riz, en pâte, en farine, en semoule ou autre. Et ceci est la fatwa de l'éminent cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Et prends garde à certaines listes qui peuvent être diffusées sur les réseaux sociaux ou autres, mentionnant un poids précis par aliment. Car en te basant sur cela, tu risques de verser une zakat qui n'est pas valide. Pourquoi? À titre d'exemple, dans ces listes, il est mentionné le riz. Mais quel est le riz qui a été pesé pour évaluer ce sa'a? Comme vous le savez, les riz sont de différentes sortes. Il y a des riz à petits grains, des riz à longs grains, le riz basmati et autres parmi les sortes de riz qui sont aujourd'hui vendus dans les commerces. Et si tu fais le test de prendre un récipient, de le remplir de ces différents riz en les pesant, tu observeras une différence de poids car ils n'ont pas tous la même densité. Et dans ces tableaux, il est mentionné riz. Car lorsqu'ils ont été faits, ils ont été faits pour le riz qui est vendu dans ce pays où il a été fait. C'est ainsi que cela a été évalué. Le riz qui est généralement vendu dans les commerces de ce pays. Mais est-ce que c'est ce même riz que tu vas acheter, toi? En fonction des riz, le poids du sa'a peut varier jusqu'à 500 grammes. Il se peut que le sa'a équivale pour certains riz à 2 kilos et 200 grammes, par exemple, et que pour d'autres riz, il équivale à 2 kilos et 800 grammes. C'est pour cela qu'il est préconisé de l'évaluer à 3 kilos, afin d'être sûr d'avoir sorti ce qui t'incombe, bi'idhnillahi ta'ala. Et si cela dépasse, alors tu as l'intention que ceci est une aumône. Et alhamdulillah, tu ne seras pas privé de cette récompense. Ensuite, cette aumône, il est important de savoir qu'elle ne doit être versée qu'à l'approche de l'Aïd. Il n'est pas possible de la verser aujourd'hui, par exemple, ou de la verser en début de mois de Ramadan ou au son milieu. Mais le temps de permission pour son versement commence seulement 1 ou 2 jours avant l'Aïd. Et elle devient obligatoire au coucher du soleil du dernier jour de Ramadan, la veille de l'Aïd. Et le meilleur moment pour la verser est le matin du Aïd, entre la prière du Fajr et la prière de l'Aïd. Mais si tu crains de ne pas pouvoir la remettre à un pauvre à ce moment-là, alors il n'y a pas de gêne à ce que tu la verses 1 ou 2 jours avant. Et avant cela, il te sera permis, si tu le souhaites, de la donner à une personne ou une institution de confiance qui se chargera de la verser pour toi au moment légiféré à ses ayants droit. Si par exemple, certains fidèles dans ta mosquée se chargent de récolter la nourriture pour la remettre à ses ayants droit la veille du Eid, par exemple, il n'y a pas de gêne à ce que tu leur donnes dès maintenant. Car l'essentiel est que ta zakat soit versée au moment légiféré. Et tu peux avant cela charger une personne qui, elle, la sortira en ce moment légiféré, bi'idhnillahi ta'ala. Enfin, cette zakat, tu dois savoir qu'elle ne doit être donnée qu'aux pauvres parmi les musulmans. Il n'est pas permis de la donner à autre qu'eux. Contrairement à zakat al-mal, qui peut être donnée à d'autres catégories de personnes. Zakat al-fitr est, elle, réservée aux pauvres, et aux pauvres, bien sûr, parmi les musulmans. Et il t'est possible de donner à un seul pauvre plus d'une zakat. Par exemple, si tu vas verser la zakat pour toute ta famille, pour ton épouse et tes enfants. Il t'est permis de les donner toutes à un seul pauvre. Il n'y a pas de gêne en cela. Et de la même manière, il est permis de partager une zakat entre plusieurs pauvres. Si tu vas sortir, par exemple, 3 kilos de riz, il t'est possible de donner 1,5 kg à un pauvre et 1,5 kg à un autre pauvre. Il n'y a pas de gêne en cela, Inch'Allah ta'ala. Et le pauvre, comme l'ont mentionné les gens de science, c'est celui dont les biens ou les revenus annuels ne lui suffisent pas à combler ses besoins essentiels ainsi que de ceux à sa charge. Il se peut qu'il ait des revenus, qu'il ait un salaire mensuel, mais que ce salaire-là ne lui suffit pas pour subvenir à ses besoins essentiels. Son loyer, ses factures d'électricité, de gaz, la nourriture pour lui, pour ses enfants. Il se peut que son salaire ne lui suffise pas, et qu'il fasse donc partie des pauvres. Combien sont ceux à s'endetter à chaque fin de mois? Chaque fin de mois, il doit emprunter de l'argent, car son salaire ne lui suffit pas. Celui-ci, il est considéré parmi les pauvres à qui il est permis de donner cette zakat. Et c'est une erreur de penser que dans certains pays, il n'y a pas de pauvres. Certes, leur pauvreté n'est peut-être pas la même que dans d'autres pays, mais ils sont tout de même présents et ils sont en droit de recevoir cette aumône. Ceci était donc un court rappel au sujet des règles principales liées à cette aumône. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayran.